J'aime bien tromper les gens en général et simplement avoir un petit groupe d'amis, un comité intime avec qui je dis la vérité.